tache sur le nez de Hervé Blutch. Épisode 5. Un nouveau départ. Ce matin-là, je m'étais réveillé complètement anéanti. J'avais passé la semaine à chercher à travers tes contorsions un signe de ta présence derrière cet amas de chair indéfinissable. Il n'y avait plus rien. Judith ? Tu n'étais pas dans le lit. Je t'appelais, mais tu ne répondais pas. Judith ! Je passais la matinée à te chercher. Je me disais que tu étais devenu soudain minuscule, que j'allais te marcher dessus, t'écraser, et que je ne le saurais jamais. Qu'est-ce que tu fais, mon biquet ? Ou bien que tu me tendais un piège. Tu te caches ? Et que tapis quelque part, tu veux jouer ? Tu allais m'attaquer. Judith ? À aucun moment je ne songeais que tu avais pu franchir la porte pour aller au dehors. Pourquoi faire ? Bon, va falloir que j'y aille, hein ? Je t'ai fait une purée de carottes avec des pâtes. Je m'habillais un peu chic. J'essayais de calmer mon anxiété en me disant qu'il n'était de toute façon pas question de t'emmener chez les parents de Sonia. J'essayais de me concentrer sur l'excuse que j'allais pouvoir donner pour expliquer ton absence. Quand tout d'un coup, je me ruais sur le Lexomil dans l'armoire à pharmacie. Bonjour. Ah, voilà papa. Bonjour, Béatrice. Soyez le bienvenu, Antoine. Bernard, Sonia, les parents de Corentin sont là. Et Judith n'est pas avec vous ? Non, c'est mamie. Il est arrivé quelque chose à mamie ? Rien de grave, je te rassure, fiston. Figurez-vous qu'on s'apprêtait à décoller quand mamie a téléphoné. Elle venait d'avoir une poussée d'eczéma, un truc atroce. Le visage tuméfié, bon, on a pu en avoir la preuve, hein, parce qu'elle nous l'a montré par Skype. On n'avait jamais vu mamie comme ça, avec des plaques et des croûtes à vous retourner l'estomac. Bon, et du coup, ben, Judith a foncé chez mamie, et à mon avis, ben, on va pas la revoir avant demain. J'avais dû forcer sur la dose de l'Lexomil. Je souriais tout le temps, et j'avais du mal à contrôler le flux de paroles pas toujours très cohérentes qui me venaient. Ça va, papa ? Super, fiston, je pète la forme. C'est chouette d'être là. L'eczéma, ça peut être extrêmement impressionnant, mais je peux vous dire que ça cicatrise très bien. Ah, voilà Sonia. Bonjour. Vous avez le même sourire que Corentin. Judith aurait adoré vous rencontrer. Elle aurait adoré être là. C'est que partie remise, si j'ai bien compris. Oui, oui, bien sûr. Installez-vous au salon. Bernard, tu descends ? Je mets ma cravate, biquet. Bon, alors je récapitule. Mamie Lee, Papy Lou, bon papa, bonne maman, Béatrice et moi qui nous font 6. Et de votre côté, Judith et vous qui nous font 2. Et Mamie 3. Et Papou et Mamoun 5. 5 et 6, 11. 11 et 2, 13. Ah, c'est pas génial. Bah oui, 13. 13, non. Je m'étais un peu assoupi. C'est bête. Bernard s'était levé pour ouvrir la fenêtre. C'est pas génial. On pourrait inviter ma marraine. Et je me suis entendu dire... Si c'est juste un problème de nombre, je peux vous rassurer, Etienne, Judith n'en sera pas. Étienne ? Mais juste à ce moment-là, Bernard a dit... C'est marrant, franchement. Il y a une banane au bout de la rue. Quoi ? Une banane qui fait des petits bons. Une banane. Ça y est, tu vois des bananes partout. On n'arrête pas de parler banane depuis un mois. Bernard vient de racheter une filière banane. Mais tu sais, c'est dans cette filière que je vais faire mon stage. Hein, papa ? Une banane. Je m'approchais de la fenêtre et soudain, je voyais la réalité sous un jour totalement nouveau. C'était toi. Tu étais venu de ton propre chef. Tu avais dû prendre la route de bon matin. Tu entendais tout et je n'avais rien perçu. Tu vas bien, papa ? Tu étais avec moi quand je te croyais ailleurs. J'étais inondé de lumière et de joie. C'est maman. Elle est avec nous. Hein ? Quoi ? Qui ? Elle ne nous a jamais quittés, Corentin. Et je me ruais à ta rencontre. Je déboulais sur le trottoir, je courais vers toi. Judith ! Judith ! Et alors que j'arrivais à ta hauteur, ton déguisement chutait à tes pieds, laissant apparaître ta nouvelle physionomie. Qu'est-ce que c'est que ce truc immonde ? Papa ! C'est maman, mon chéri, c'est maman. Tu comprends mieux le déguisement de banane. Maman est avec nous, elle nous a jamais quittés. C'est fantastique, Corentin ! Maman ! Qu'est-ce qu'il a dit ? C'est sa mère ! Quoi ? C'est horreur ! Et tandis que je revenais à la vie, je laissais Corentin brisé, sombrant dans une inquiétante léthargie qui allait rapidement se muer en une révolte dont nous serions l'objet. Nous le révulsions, comment lui en vouloir ? Claude. Bah ça alors, tu t'es mis au bodybuilding? J'ai décidé de repartir à la conquête de Maud. Et je vais lui donner tout ce qu'elle aime. Ah, super. Elle a besoin de quelqu'un de solide, Maud. D'une épaule sur laquelle s'appuyer. Alors du coup, je repars à l'assaut. J'ai trouvé sur le net une méthode de gonflette ultra rapide. T'as vu un peu les biceps, hein? Impressionnant, ouais. Et du coup, j'ai pensé que Judith pourrait peut-être me donner un petit coup de main au niveau du régime nutritionnel. Parce que je suis un petit peu perdu entre les lipides et les glucides, et je me suis dit qu'elle serait de bon conseil. Hein. Bah, si ça va mieux, évidemment. Ouais. Ça va mieux, d'ailleurs, Judith? Ah, beaucoup mieux. Mais aujourd'hui, ça va être compliqué. Oh, c'est pas urgent. Tu lui diras que je suis passé. Oh, mais vous avez un petit chien, maintenant? C'est à cause du mariage de Corentin, non? Il paraît que c'est un grand classique, le môme qu'on remplace par un chien. Il est marrant, en tout cas. Il y a un poulpe avec des poils. C'est quoi son petit nom? Gagner la guerre, c'est retrouver le calme et la sécurité. Ces mots n'ont jamais fait autant sens pour moi, maintenant que nous sommes revenus à la vie civile. Ta physionomie n'a plus changé. C'est comme si ta mue était arrivée à son terme. Et tu m'es à nouveau familière. Il n'y a pas si longtemps, j'ai découvert que tu avais des yeux et tu semblais tellement contente. L'énigme de ta disparition reste totale. Mais au regard de ces longues heures de plénitude dans lesquelles nous parvenons parfois à nous glisser, j'ai appris à chérir ce mystère. Le soir, au dîner, je te raconte mes journées. Et à ta façon singulière, tu me rapportes les tiennes. Corentin va mieux. Il a retrouvé le chemin de la maison. Un dimanche sur deux, ils viennent déjeuner avec Sonia. Corentin te prend sur ses genoux. Tu sembles heureuse. C'était Une tache sur le nez de Hervé Blotch. Avec Quentin Bayot, Agnès Pontier, Joachim Salinger, Louis Arène, Anna Karina Lombardi, Fanny Marie, Émilien Tessier. Bruitage, Sophie Bissens. Conseillère littéraire, Céline Geoffroy. Prise de son, montage et mixage, Bernard Laniel et Arnaud Chapat. Assistante à la réalisation, Yaël Mandelbaum. Réalisation, Sophie Aude Picon. Merci à Hélène Bleskine.